Vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, la seule émission qui émet depuis la quatrième dimension. Ce soir dans Exocet, Thomas nous parlera de mystérieux disparus dans le temps, de quatre personnes retrouvées amnésiques en possession d'objets d'une autre époque, puis je vous parlerai du projet Stargate. Derrière ce nom, vous découvrirez l'incroyable course à la télépathie que se sont menées américains et soviétiques durant la guerre froide. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous vous dévoilerons les infos les plus insolites de la semaine. Exocet, c'est parti, vous entrez dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors dans cette émission, on vous a déjà parlé de disparitions mystérieuses à plusieurs reprises, mais les disparitions dont Thomas va nous parler à présent sont d'une autre nature puisqu'il s'agit de disparitions temporelles. Bonsoir Thomas. Bonsoir Patrick. Oui, des disparitions tout à fait mystérieuses et qui effectivement laissent planer un gros doute quant aux éventuelles failles spatio-temporelles qui pourraient se produire dans notre monde. Alors le premier, c'est l'inconnu de Times Square, ça remonte à 1950, juin précisément. Aux alentours de 23h15, à la sortie d'un théâtre, un homme est repéré pour sa tenue excentrique, il est âgé d'une trentaine d'années. En fait, il porte un chapeau haut de forme, il a une sorte de jaquette avec une rangée de boutons, et surtout un pantalon collant à carreaux blancs et noirs. Bref, il est complètement habillé dans l'ancien temps, style ancien temps, donc il est repéré tout de suite. Certains témoins pensent que c'est un original, d'autres vont même jusqu'à imaginer qu'en fait il s'agit d'un acteur qui est encore en costume de scène. Mais le problème, c'est que son comportement aussi est très insolite et intrigue les témoins. En fait, il est immobilisé devant un carrefour et il regarde les voitures traverser, se croiser, s'arrêter au feu rouge, un petit peu comme si c'était la première fois qu'il découvrait une route et des véhicules, tout simplement. Alors, au bout d'un moment, les témoins voient l'homme essayer d'entreprendre de traverser la route. Il s'élance, un policier le voit, sent qu'il va se faire écraser parce qu'il traverse à un moment complètement improbable. Il essaie de rejoindre l'homme en question, et il n'a pas le temps de le rattraper qu'un taxi le heurte violemment, et l'homme meurt sur le coup. Une fois arrivé à l'hôpital, évidemment, on va procéder à la fouille de ses vêtements, et puis surtout, on va essayer de l'identifier. Alors, le corps est transporté à la morgue, et là, l'hypothèse de l'excentrique est très vite éliminée, quand on va examiner le contenu de ses poches. Alors à l'intérieur, on va trouver une pièce de bronze démonétisée, une note provenant d'une écurie de Lexington Avenue qui indiquait, donc je cite, « pour la nourriture et le logement d'un cheval et pour le remisage d'une voiture de place $3, donc une sorte de facture de l'époque. On va retrouver aussi des billets anciens pour un total de $70. On va trouver des cartes de visite au nom de Rudolf Fentz, résident sur la 5e avenue, et une lettre adressée au porteur avec un cachet postal du mois de juin 1876. Bref, des objets qui n'avaient rien à faire dans les poches d'un homme contemporain. » Alors, ce qui était aussi très étonnant, c'est que tous ces objets semblaient extrêmement récents, c'est-à-dire qu'aucun d'eux ne portait une trace d'usure, parce qu'effectivement, avoir une lettre cachetée de 1876, c'est quelque chose de faisable, mais pas dans un état neuf. Et là, la lettre en question était entièrement neuve. Alors, la police va se rendre à l'adresse indiquée sur la carte de visite, l'adresse de la 5e avenue, et là, elle va s'apercevoir qu'elle correspond à un magasin, mais évidemment, ni les employés, ni les propriétaires du magasin ne connaissent ce Rudolf Fentz. Ce nom ne figure pas non plus d'ailleurs dans tout ce qui est annuaire téléphonique, ni dans le fichier d'empreinte digitale, bref, aucun moyen d'identifier cette personne. Alors, un policier un petit peu zélé, un gendarme un peu zélé, va pousser l'investigation un tout petit peu plus loin. Il s'agit du capitaine Hubert V. Rim. Lui va être chargé dans cette enquête, il est chargé particulièrement sur les enquêtes de personnes disparues. Et là, il va mettre les moyens qu'il faut pour essayer de trouver qui est cette personne, sans doute aussi par curiosité. Et il va finir par trouver un certain Rudolf Fentz Jr. dans un annuaire datant de 1939. Alors là, il va se rendre à l'adresse indiquée et il va tomber sur une personne qui va lui dire que lui, il a effectivement connu un certain Rudolf Fentz Jr. Alors, c'était en 1939, et en 1939, cette personne avait déjà une soixantaine d'années, et travaillait dans une banque du voisinage. Alors, le policier va se rendre à la banque, et là, il va apprendre, en fait, que ce Rüberfenz Jr. était décédé en 1945, mais que sa veuve, par contre, elle, vivait toujours et habitait en Floride. Alors, le policier va lui envoyer un courrier, lui demandant s'il connaît un Rüberfenz tout court, et cette femme va lui répondre « Effectivement, je connais un Rüberfenz, c'est le père de mon défunt mari, Rüberfenz Jr., donc, qui a disparu subitement un printemps de 1876. » Alors elle va lui expliquer que, en fait, Rüberfenz n'avait pas le droit de fumer chez lui, donc que tous les soirs, il partait pour aller fumer son cigare dans la rue, parce que donc sa femme refusait qu'il fume à l'intérieur, et un soir, il est sorti et ne serait jamais revenu. Alors la police de l'époque aurait fait une enquête, n'aurait jamais été capable de trouver où ce Rüberfenz avait disparu, et puis évidemment, après plusieurs mois de recherche sans résultat, avait plus ou moins laissé tomber l'affaire. Par contre, il restait des traces, des dossiers de la police avec une description de la personne disparue et de la façon dont il était habillé. Et là, chose très étonnante, c'est que dans le descriptif des objets en possession de ce Rüberfenz et dans la description de la façon dont il est habillé, eh bien tout correspond à la personne retrouvée écrasée par un taxi, donc plus de 100 ans après. Donc le policier fait la corrélation entre les deux, la seule chose qu'il n'arrive pas à expliquer, donc il a retrouvé l'identité de ce Rüberfenz, il sait quand il est né, il sait quand il a disparu, la seule chose qu'il n'arrive pas à expliquer sur ce cas-là, c'est comment un homme de 1836 fait pour, au XXe siècle, se retrouver écrasé par un taxi dans une rue de Londres. Ah, donc c'est vraiment une histoire qui est digne de Retour vers le futur, hallucinante, et donc évidemment une histoire comme celle-là serait encore plus hallucinante si on avait des sources fiables et solides. Donc est-ce qu'on sait au moins d'où ça vient? Est-ce qu'on a des preuves de l'existence de... Les rapports de police existent vraiment, donc le descriptif effectivement de la personne disparue à l'époque existe vraiment. Le seul point effectivement qu'on pourrait avoir un peu en doute, c'est la personne écrasée, est-ce qu'elle a réellement bien été identifiée? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une personne ressemblant à ce Rüberfenz de l'époque, qui aurait été bizarrement habillé parce que peut-être un petit peu dérangé comme quelqu'un de l'ancien temps, et bref, de fil en aiguille, on aurait fini par faire des recoupements qui n'auraient pas lieu d'être. En attendant, la personne écrasée, les objets donc qu'on a retrouvés sur lui sont consultables, hein, on les a conservés, et effectivement, ils sont en parfait état, et il a des objets complètement anachroniques avec le XXe siècle sur lui, ça c'est une certitude. Alors, en tout cas, que cette histoire soit avérée ou non, si elle s'est déroulée comme tu le racontes, soit on a affaire à un cas de coïncidence extraordinaire, peut-être un acteur, quelqu'un d'un peu dérangé qui a eu vent d'une histoire de quelqu'un qui a disparu dans le passé, ouais. Et on ne sait pas pourquoi il se serait attaché à ce personnage et aurait voulu l'imiter dans le monde contemporain. C'est possible aussi, hein, qu'il ait eu vent de cette histoire-là et qu'il ait eu envie d'imiter un personnage de l'époque. Ou donc, si ce n'est pas ça, donc un homme du 19e siècle qui se serait retrouvé happé dans une sorte de vortex temporel. Forcément, ça fait rêver, mais ce n'est que le début puisque tu as une seconde histoire. Tout à fait, un cas similaire qui s'est lui déroulé au château de Chambord. Alors là, on a effectivement beaucoup plus d'éléments précis puisque c'est des rapports de la police française, de la gendarmerie française, c'est des témoins français qui rapportent l'histoire, qui existent encore de nos jours, qui eux affirment tout ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Alors en fait, cette histoire s'est déroulée en novembre 1957. Un matin, un gardien qui fait sa ronde découvre un homme endormi sur le lit d'une des chambres princières. Évidemment, il alerte immédiatement la police, puisque ça veut dire que cet intrus avait passé la nuit dans le château, ce qui est évidemment formellement interdit. Et là, pendant l'interrogatoire, la personne en question va dire s'appeler Pierre Neveu et être architecte. Alors jusque-là, rien de trop étrange, mais les choses vont commencer à tourner au surréalisme quand il va affirmer être son arrière-grand-père était l'un des constructeurs du château de Chambord. Il faut savoir donc que le château de Chambord a été quand même construit au XVIe siècle, et donc évidemment cette affirmation était difficile à avaler pour la police, mais l'homme ne démordait pas, ne plaisantait absolument pas. Et on a décidé de le présenter à un psychiatre. Et là, face au psychiatre, son comportement va s'avérer aussi curieux. C'est-à-dire que le psychiatre va détecter qu'il n'arrête pas de regarder autour de lui comme s'il venait subitement d'arriver sur une nouvelle planète, qu'il avait tout à découvrir et que tout ce qui l'entourait était une nouveauté absolue. Il semblait ni connaître l'électricité, ni le téléphone, et il avait une peur bleue des voitures. Donc dès qu'il fallait traverser la route pour aller au commissariat ou pour changer de cellule ou aller chez le psychiatre, il flippait absolument. Alors, on a aussi procédé à une fouille, et sur lui, on a découvert de nombreux objets très anciens, mais toujours dans cet état parfait de conservation, comme s'ils étaient neufs. Alors, notamment des pièces de monnaie, effectivement, du XVIe siècle, en parfait état. La seule chose qu'il avait sur lui du XXe siècle, c'était ses vêtements. Mais cet homme affirmait ne pas savoir d'où il tenait ses vêtements, et surtout, comment est-ce qu'ils étaient arrivés sur lui. Il ne se souvenait absolument pas s'être habillé comme ça. Autre détail plus curieux, en fouillant ses poches, on va trouver un gant noir, et cet homme va dire que ce gant appartenait au roi de France, et d'après ses propos, en fait, Henri III aurait oublié ses gants lors de sa dernière visite au château, qui pour lui remontait à quelques jours plus tôt, et donc il l'aurait conservé dans sa poche. Alors, les historiens vont étudier ce gant, et là, ça va être la stupeur générale, puisqu'ils vont s'apercevoir que ce gant fait la paire avec un autre gant qui est exposé au musée, et donc, effectivement, qui n'avait jusqu'alors aucune paire correspondante. Donc, effectivement, cet homme se retrouvait avec un gant de l'époque certifié par des historiens. Alors, durant trois semaines, l'homme mystérieux va subir des examens psychiatriques, et sans que ça donne vraiment de résultats. Donc, la gendarmerie va décider de faire passer sa photo dans les journaux. Et là, une femme va déclarer reconnaître son mari, Pierre Berthier, disparu selon elle depuis quelques années. Alors, une confrontation va avoir lieu, elle va le reconnaître formellement, mais lui, de son côté, va être incapable d'avoir le moindre signe de reconnaissance envers ce qui est être supposé sa femme. Alors, les médecins psychiatres sont formels, cet homme n'était ni malade ni simulateur, mais véritablement amnésique, ça c'est certain. Et la question en fait paraissait réglée, mais évidemment, donc les détails qu'il avait sur lui laissaient plutôt perplexe, puisque donc les objets qu'il portait étaient d'époque, mais étaient à cet état neuf. Il y avait ce gant, ce second gant, qui correspondait à un gant exposé dans le musée et qui a été reconnu formellement comme étant un gant appartenant au roi de l'époque. Plusieurs éléments troublants. Un des autres éléments troublants, c'est que cet homme affirmant être un architecte de l'époque, eh bien il va être confronté à des architectes modernes qui vont évidemment lui faire passer des tests, et ces architectes vont dire effectivement ce mec a des connaissances très solides en architecture, il n'y a qu'un seul truc qui est bizarre, c'est que la façon dont il dessine est complètement anachronique avec les techniques modernes de dessin architecturaux, ça n'a plus rien à voir, effectivement il dessine comme un architecte du XVIe siècle. Alors on va pas vraiment trouver de solution, l'homme ne va jamais recouvrer la raison totalement, il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois, et un matin, suite à sa ronde, un infirmier va ouvrir la porte de sa chambre fermée à clé, et l'homme a disparu purement et simplement, et on ne l'a jamais retrouvé depuis. Deux cas de mystère temporel, légende ou réalité, on vous en dira justement un petit peu plus après la première pause musicale, au moins en tout cas sur un des deux cas, et je vous parlerai personnellement du projet Stargate, cette opération militaire secrète qui, durant la guerre froide, avait pour objectif de maîtriser la télépathie pour éliminer l'ennemi, que ce soit du côté soviétique ou du côté américain. On marque une pause, restez avec nous. I cannot share. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous êtes toujours sur Age et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter dans le Vaucluse sur le 90.3 et dans l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône sur le 102.5, partout ailleurs, rage.fr. Alors avant de vous parler du projet Stargate, je voudrais juste revenir sur les histoires que vous a raconté Thomas en première partie. Donc il y avait cette histoire de Rudolf Fence. Et donc, Robert en plus d'ailleurs. Voilà, Rudolf Fence, soi-disant voyageur temporel. Donc on vous a raconté cette histoire très sérieusement, mais en réalité donc il s'agit de ce qu'on appelle un mythe, une légende urbaine, puisqu'en fait cette histoire, cette très belle histoire, est tirée à l'origine d'un recueil de science-fiction écrit par Jack Finney, donc publié dans une anthologie de 1951, et plus tard, donc cette histoire a été enjolivée et présentée comme réelle. Donc la rumeur d'un voyageur temporel qui serait mort à New York s'est propagée en Europe jusqu'à devenir une authentique légende urbaine, une très belle légende, mais donc néanmoins fausse. Et bien évidemment, on se devait de vous le préciser. Voilà. Alors à présent, je vais vous parler d'une histoire qui, elle, pour le coup, est totalement avérée, même si elle est à peu près aussi hallucinante. Il s'agit du projet Stargate. Alors dans les années 60, les institutions militaires américaines et soviétiques se sont lancées dans une recherche absolument frénétique des secrets de la télépathie. Et la guerre froide se doubla d'une véritable guerre parapsychique, le but... détruire l'ennemi avec la seule force de la pensée. Alors comment est-ce que des militaires ont pu accorder du crédit à de telles idées ? Eh bien, il faut se replonger dans cet événement qui est advenu le 10 avril 1963, lorsque le sous-marin nucléaire très cher disparut dans l'Atlantique. Et à ce moment-là, le lieutenant-colonel américain Thomas Bearden affirma que des spécialistes russes avaient recouru à des moyens psychotroniques pour détruire le fameux sous-marin. Celui-ci avait explosé à 100 mètres de profondeur sans aucune explication, entraînant avec lui plus de 137 hommes vers la mort. Alors le terme psychotronique a été lancé au premier congrès international de psychotronique, donc à Prague en 1973, et ce terme désignait l'étude de la télékinèse, c'est-à-dire tout simplement la possibilité d'interagir avec la matière à distance, uniquement avec la force de l'esprit. Et ce terme de psychotronique devait être popularisé par le tordeur de cuillère Yuri Geller, donc fameux magicien qui avait été débunké, comme on dit, démystifié par Gérard Majax à l'époque, dans les années 70. Et Yuri Geller avait tenu en échec bien des scientifiques pendant une période relativement longue. Il passait à la télé et donc il avait soi-disant ce pouvoir de tordre les métaux à distance, et il a fallu que ce soit les magiciens qui s'aperçoivent que c'était juste un excellent manipulateur, mais en aucun cas donc un détenteur de pouvoirs paranormaux. Alors de là à faire exploser un sous-marin nucléaire à des milliers de kilomètres, il y avait un grand pas, hein, évidemment, entre des cuillères et un sous-marin. Beaucoup n'hésitèrent pas à franchir ce pas, y compris des officiers supérieurs des deux camps, en Amérique et en Union soviétique. Et donc c'est cette autorité qui finit par imposer à l'époque la croyance qu'effectivement il y avait peut-être d'authentiques pouvoirs psychotroniques. Alors en fait, il faut savoir que la télépathie figurait dans l'arsenal de la guerre froide depuis au moins 1958. C'est cette année que le sous-marin nucléaire américain Nautilus fit son premier voyage sous les glaces du pôle Nord, et là surgit un problème de taille, un problème de stratégie, puisque sous la glace, le sous-marin ne pouvait plus recevoir d'instructions d'aucune base par les moyens classiques, hein, puisque les ondes hertziennes ne passent pas la banquise. Alors, à ce moment-là, les Américains proposent de tester la télépathie, tout simplement. Et à bord, on a un sujet qui tente de communiquer par télépathie avec une base à terre. Alors, on n'a pas de preuve formelle que cette expérience a eu lieu, mais en revanche, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres expériences du même type totalement avérées, et ce fut le lancement du fameux programme militaire Stargate, programme secret à l'époque. Alors, on avait réuni des sujets doués en télépathie, qui se prétendaient eux-mêmes doués en télépathie, et ces sujets donc se retrouvaient recrutés par l'armée américaine, c'est quand même assez incroyable, après avoir été sélectionnés au Stanford Research Institute en Californie, à Menlo Park. Et ce groupe de sujets psy, comme on dit, était surnommé les Naturals. Donc ça fait très comics, hein, on a l'impression d'un groupe de super-héros comme les X-Men, sauf que donc c'était réel, les Naturals. Et ils furent donc cantonnés dans le Maryland à Fort Meade. Et leur mission, c'était d'identifier des cibles et de prévoir des événements. Alors, jusque-là, ces recherches étaient absolument secrètes, comme je vous le disais, mais en février 1960, un journaliste du célèbre magazine Science et Vie avoua, dans un article intitulé « Le secret du Nautilus », que les Américains se livraient à des recherches parapsychologiques, donc sur la psychotronique. Alors les Soviétiques, à partir de là, découvrent cet aspect de la stratégie américaine, si ce n'était pas déjà fait par le biais de divers espions, et ils se lancent à partir de là dans une course effrénée dans la télépathie. Alors pour débloquer des budgets de recherche, les théories pour expliquer la télépathie commencent à fleurir de part et d'autre de l'Atlantique, notamment celle de Petukhov, qui est un savant russe, et qui imaginait que des micro-organismes faisaient vibrer des particules dans l'espace en créant une sorte de courant électromagnétique par lequel se transmettait la pensée. Donc tout ceci était particulièrement hypothétique, hein, c'était de la pure spéculation pour essayer de justifier les recherches et donc débloquer des budgets. Alors aux États-Unis, la CIA engagea également des médiums pour faire ce qu'on appelle du remote viewing, donc des observations à distance. Ils furent chargés notamment de localiser le colonel Kadhafi avant le raid sur la Libye en 86, et il dure aussi essayer de localiser à distance les réserves de plutonium de Corée du Nord. Alors Nikita Khrouchtchev avait également son arme secrète en la personne de Nina Kulagina, qui était sa médium attitrée, on en a déjà parlé dans cette émission. Nina Kulagina qui donc faisait soi-disant preuve de pouvoir absolument incroyable, elle pouvait déplacer des objets à distance avec la seule force de sa pensée. Il y a des vidéos qui existent dans lesquelles on voit cette femme faire bouger une boîte d'allumettes qui est protégée par une espèce de boîte en verre. Alors évidemment, tous ces pouvoirs sont très largement controversés et il y a beaucoup de sceptiques qui pensent tout simplement que c'était elle aussi une manipulatrice de génie, qu'elle se débrouillait pour faire bouger les objets d'une autre façon. En tout cas, à l'époque, il y avait une grosse propagande autour de cette femme, justement pour que les Américains, j'imagine, disent que les Russes avaient en main des sujets capables de télépathie. Alors, d'ailleurs, il y en avait certains à l'époque qui pensaient que Nina Kulagina en personne, à force de concentration, avait fait couler le sous-marin très cher. Donc là, je viens de calculer que le sous-marin s'appelait très cher. Donc j'imagine qu'il devait coûter cher, effectivement, mais c'était son nom. Et donc voilà, toutes les fantaisies étaient permises, sauf que tout ceci était encadré par l'armée. On était dans un contexte militaire, et ça semble assez surréaliste d'imaginer donc qu'ils aient pu s'investir autant dans ces projets-là. Alors, on prenait ces questions très au sérieux, et l'ancien président Jimmy Carter révéla en 1994 qu'il avait également son médium à la Maison Blanche. De même pour Ronald Reagan et sa femme Nancy Reagan, qui avaient leur astrologue désigné. Alors évidemment, c'est pas le monopole des dirigeants américains, puisqu'on sait très bien que chez nous aussi, les présidents ont souvent eu recours au service de différents médiums et astrologues. François Mitterrand, c'est notoire, avait sa médium attitrée. Oui, qui était Tessier. Elisabeth Tessier, donc tous les chefs d'État, tous les hommes d'État sont réputés pour remettre finalement parfois le destin d'un pays entre les mains d'un médium, peut-être parce qu'ils ont l'impression que c'est une tâche trop importante pour être donnée à un seul homme, donc ils préfèrent s'en remettre au destin. Il y en a beaucoup qui pensent que si Hitler avait écouté sa voyante donc en 45, peut-être que le destin de l'humanité n'aurait pas été le même. Donc parfois ça peut tenir à un fil et c'est effectivement assez inquiétant. Alors du côté américain, le programme Stargate aurait apparemment produit des résultats probants, comme semble le démontrer le cas de Joseph McMoneagle, qui fut décoré de la médaille du mérite pour avoir fourni 150 informations impossibles à obtenir d'autres sources. Il a notamment réalisé le dessin détaillé et la date de lancement d'un sous-marin nucléaire soviétique. Alors, il faut savoir que Joseph McMoneagle opère toujours aujourd'hui, en freelance, on va dire, donc il accepte de donner d'offrir ses services à la police, à des gens qui recherchent des disparus, etc. Il s'est livré à de nombreuses expériences réalisées par des chercheurs, tout simplement, qui voulaient savoir à quoi s'en tenir sur les prétendus pouvoirs télépathiques. Donc il y a pas mal de documentaires et de reportages dans lesquels on peut voir McMoneagle faire la démonstration de ses pouvoirs, notamment un où on le voit aux côtés de Maud, je n'ai plus son nom dans la tête et j'avoue que ça me contrarie pas mal, mais bref, donc un sujet particulièrement impressionnant et étonnant, et donc elle se retrouvait dans ce reportage aux côtés de McMoneagle, et l'objectif c'était comme ça d'essayer de localiser des lieux précis à distance. Par exemple, un sujet allait se placer dans un lieu très éloigné dont McMoneagle par exemple ne savait rien du tout, et il réussissait à peu près à donner la description de l'endroit, tout ça avec donc la seule force de la pensée. Alors il y a des cas comme ça vraiment, vraiment troublants en tout cas. Il y a eu des incidents quand même un petit peu plus triviaux dans l'histoire du projet Stargate. Par exemple, on sait qu'un des sujets psy... Oui, Thomas, tu as le nom. Maud Christen, voilà, excusez-moi. Maud Christen, donc, qui est un des cas les plus surprenants en matière de médiumnie en France en tout cas, et qui est d'ailleurs régulièrement invité dans des émissions qui parlent de parapsychologie, de paranormal. Et la particularité de Maud Christen, c'est qu'elle accepte sans problème de se livrer à des expérimentations scientifiques, puisqu'elle-même semble vouloir comprendre l'origine de ses pouvoirs, de ses flashs, de ses fulgurances. Donc c'est un cas vraiment très, très intéressant. Et donc, comme je vous le disais, il y a eu aussi des incidents un petit peu plus triviaux. Donc, un de ces sujets psy qui démissionna, persuadé que sous le désert du Nouveau-Mexique se cachait une colonie de martiens. Donc voilà, on voit que dans le tas, il y avait des sujets qui n'étaient pas totalement clairs. D'autres personnes, dans le cadre de ce projet, qui n'arrivaient pas à réintégrer leur corps après les trans médiumniques dans lesquelles ils se mettaient pour localiser les ennemis soviétiques. Et aucun d'eux n'offrit de solution pour capturer Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe, parce qu'on avait essayé de le repérer comme ça, mais donc ça n'a absolument pas fonctionné. Alors les soviétiques n'étaient pas en reste, ils avaient installé leur centre de recherche à Novosibirsk, et à partir de là, ils procédaient à des expériences de télépathie entre notamment Karl Nikolaev et Yuri Kamensky à Moscou. Des expériences organisées par l'Institut de biocommunication qui avait été fondé par le professeur Hippolyte Kogan, donc tout ceci est très sérieux. Et dans cette période de frénésie du paranormal, américains et soviétiques ne perdaient pas de vue les objectifs, hein, puisqu'il y avait des sommes absolument astronomiques qui avaient été investies dans ces recherches. On ignore les montants exacts, on parle de peut-être 6 millions de dollars par an pour le Pentagone, sans compter les budgets des autres organismes comme les laboratoires et la CIA. En ce qui concerne la Russie, le secret est peut-être encore plus épais, hein, puisque on a évalué à peut-être 1 million de roubles la somme investie dans ces recherches en parapsychologie, mais on n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien du tout, puisque c'était très très secret. Mais il y a quand même eu des congrès, il faut le savoir, publics de psychotronique, même si les recherches étaient secrètes dans le cadre de l'armée américaine et soviétique. Il y a eu des congrès publics. Et au deuxième congrès de recherche psychotronique qui se tint en 1975 à Monte Carlo, un certain Robert Pavlita, qui venait de Tchécoslovaquie, présenta un petit appareil de sa fabrication, un cylindre de 60 cm de long sur 6 cm de diamètre, qui était ce qu'il appelait lui-même un générateur activé par la pensée, et grâce à ce cylindre, d'après lui, donc, il parvenait à déplacer des objets à distance. Donc encore une fois, ce type de thématique attire forcément certains illuminés, mais ça n'a pas empêché les soviétiques et les américains de s'engager dans la voie des amplificateurs de pensée qui pouvaient diriger les faisceaux psychotroniques. Donc, surtout qu'en termes de budget, c'est limité. Hein. Le cylindre, ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est clair. Donc je précise juste que psychotronique, on parle de ce terme depuis le début, ce n'est rien d'autre qu'un autre terme pour parler de télékinésie, finalement, les armes psychotroniques, le mélange entre électronique et donc psychisme. Et l'idée, c'était de fabriquer de véritables canons à pensée. Donc évidemment, il n'y a jamais eu de résultats probants. Les soviétiques, eux, se sont lancés dans la piste des pouvoirs mystérieux des cristaux. Donc tout ceci est très ésotérique, on ne s'attend pas à le trouver dans le cadre militaire. Et malgré tout, il y a quand même eu quelques résultats troublants, comme toujours dans ce genre de cas, comme on le disait tout à l'heure avec McMoneagle, comme c'est le cas aussi avec Maud Christen. Il y a toujours des cas troublants dont on est obligé de reconnaître, qu'on ne sait pas comment c'est possible. Des fois, il faudrait vraiment faire preuve de beaucoup de mauvaise foi pour ne pas admettre qu'il y a des résultats très étonnants, des visions qui sont très précises. Donc voilà, il reste des cas mystérieux, mais ces résultats ne furent pas assez réguliers pour être réellement probant, et en 94, le Congrès enterra la guerre psychique. Elle avait quand même duré 35 années. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous êtes toujours dans Exocet sur Rage et c'est l'heure de passer aux insolites de la semaine, les infos les plus folles qui se sont déroulées sur la planète. On va vous les raconter, mesdames et messieurs, et on va démarrer par une histoire qui s'est passée aux États-Unis, en Virginie. Et c'est une histoire, c'est une histoire qui est pas vraiment très drôle, hein, qui est assez glauque même, mais particulièrement étonnante. Donc, j'allume pas mon micro alors. Non, je pense pas qu'il y ait matière à vanner sur cette histoire. Donc, c'est une jeune fille dont la mère est décédée qui a découvert quelque chose dans le placard de sa maman. Et donc, vous allez voir que c'est assez particulier, puisque ce qu'elle a trouvé, ou en tout cas ce que la police a trouvé dans le placard, c'est le corps en décomposition d'une autre femme qui était enroulée dans du plastique, dans des couvertures et dans un sac de couchage. Alors, la police du comté de Jefferson essaie d'identifier le corps qui a été retrouvé donc un jour après que Béatrice Maga ait subi une attaque à l'extérieur de chez elle. Elle est tombée sur le sol, sur la tête, et elle est morte en allant à l'hôpital, sur le chemin de l'hôpital, quoi. Pendant qu'on essayait de l'amener pour se soigner, elle est décédée. Et donc le jour d'après, sa fille et son gendre ont appelé la police après avoir senti une odeur particulièrement pestilentielle qui sortait du placard de la femme, hein, de Béatrice Magara. Et la police a donc découvert le corps d'une vieille dame, comme je vous le disais, enroulée dans du plastique, dans un placard, sur le sol d'un placard. Et manifestement, le corps était là depuis un certain temps, puisqu'il était en état de décomposition assez avancé. Donc il y a eu des relevés d'ADN, comme dans Les Experts, hein, pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui est cette femme, qui est cette vieille dame. Alors, on sait par contre qu'une autre femme vivait avec Béatrice Magaa, mais les membres de la famille de Magaa n'avaient plus vu cette femme, cette colocataire, si on peut dire, depuis au moins 2 ans. Donc, et pour cause, maintenant on sait où elle était. Ouais. Et le couple, donc, composé de la fille de Maga et de son mari, ont expliqué qu'à chaque fois qu'ils visitaient, qu'ils allaient voir Béatrice Maga, elle ne voulait pas les laisser rentrer chez elle. Donc on comprend également pourquoi, sûrement à cause de l'odeur. C'est vraiment ce qu'on appelle avoir un squelette dans le placard, Thomas. C'est clair. Mais moi, à la base, je pensais que tu allais me dire qu'en fait, ils avaient trouvé l'amant de la femme, tu vois, qu'elle avait laissé dans le placard et qui serait mort parce qu'elle était décédée. Ça aurait été aussi une histoire sympa. En Angleterre, une histoire un tout petit peu plus légère, mais beaucoup plus difficile à digérer. Par contre, un véritable scandale qui a soulevé tout un quartier. Les habitants d'un quartier de Londres se plaignaient depuis un certain temps des odeurs qui émanaient d'une maison. La maison d'une vieille femme. Alors les autorités ont été prévenues, se sont déplacées. Et au moment où la police a frappé à la porte, la vieille dame a ouvert et ont vu et un rat s'est échappé de la porte. La police lui a dit effectivement chez vous ça sent pas très bon, essayez de faire des efforts et qu'est-ce que c'est que ce rat ? Et la vieille dame là a justifié la présence de ce rat parce qu'elle aurait eu des boas constructeurs chez elle qu'il fallait absolument nourrir. Alors là la police lui a demandé tous les papiers, les certificats des boas qu'elle a effectivement amenés. Et puis l'histoire s'est pas vraiment passée puisque les odeurs ont continué à être de plus en plus fortes et de plus en plus denses. Donc la police s'est déplacée une nouvelle fois et cette fois-ci, au lieu de s'arrêter au seuil de la porte, ils ont décidé de rentrer dans la maison de cette vieille dame. Et là, ils ont découvert qu'en fait, cette vieille dame vivait tout simplement avec une communauté de rats géantes qu'elle nourrissait. Alors, c'était des centaines et des centaines de rats qui parcouraient sa maison, qui étaient installés, donc évidemment, qui laissaient leur déjection, leur urine sur les tapis, qui allaient jusqu'à dormir dans le lit de la vieille dame, qui ne sentait pas non plus très bon. Très, très dur. Et par contre, pas de traces d'un seul boa constructeur. Alors, ils se demandent où sont d'ailleurs passés tous ces boas, parce que maintenant, l'hypothèse qui leur vient à l'esprit, c'est que cette vieille dame savait qu'elle avait besoin de justifier la présence de rats parce que c'est insalubre dans sa maison, donc elle aurait effectivement acheté des boas constructeurs, mais n'étant pas du tout passionnée par les serpents, elle les aurait probablement relâchés, purement et simplement, juste pour avoir les certificats des boas. D'accord, oui, une histoire assez étonnante. Une vieille dame donc, qui vivait comme ça en colocation là aussi avec des rats, ouais, c'est assez surprenant. On va continuer avec une histoire tout aussi folle qui se passe actuellement en Inde. On en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. C'est l'histoire de ce bébé qui est né avec 2 visages dans un village indien. Et elle est littéralement adorée, hein, comme une déesse indienne. Alors, le bébé s'appelle Lali. Et elle est née avec cette malformation rarissime, donc qui s'appelle duplication crânio-faciale. Donc elle a une seule tête, soyons clairs, mais deux visages. Mm-hmm. Alors, tous les organes de Lali fonctionnent très bien, sauf qu'ils sont doubles. Elle a deux nez, deux paires de lèvres, deux paires d'yeux qui marchent très bien et qui clignent simultanément. Donc les quatre yeux fonctionnent. Les quatre yeux fonctionnent. Elle boit du lait avec ses deux bouches, qui arrive donc au même œsophage, comme je te le disais, donc ses yeux clignent en synchronisation, donc ça doit être assez impressionnant. Alors, évidemment, comme ça se passe dans un village indien assez reculé, très superstitieux, la petite fille est considérée comme la réincarnation de Durga, une déesse indienne, qui possédait donc plusieurs bras et trois yeux. Alors, c'est parfois plus d'une centaine de personne qui débarque donc dans la maison des parents pour voir Lali, pour lui toucher les pieds en signe de respect, en lui faisant des offrandes pour recevoir sa bénédiction. Donc là, on est dans le surréalisme total. Imagine ce pauvre bébé avec ses deux visages, ça doit être déjà assez difficile. Oui. Et ce cas très rare est souvent lié à des complications médicales, mais là, les docteurs disent qu'elle va très bien, aucun problème avec la santé de Lali, elle mène une vie tout à fait normale, sans problème de respiration notamment. Et c'est le docteur qui s'appelle Monsieur Ali qui a ajouté qu'il ne voyait absolument aucune nécessité d'opérer. Bon, alors là on pourrait rajouter, si ce n'est qu'elle a quand même deux visages, ce qui est relativement handicapant dans une vie sociale, il faut bien le reconnaître. Donc en attendant, elle est considérée, comme je vous le disais, comme une déesse vivante. On se demande ce que ça va donner d'ici une dizaine d'années, d'ici une quinzaine d'années, puisqu'elle est bien partie pour survivre. En tout cas, je ne connais pas d'autres cas similaires, deux visages pour une seule tête, c'est vraiment incroyable. Ah, mais moi j'espère qu'elle va survivre pour pouvoir parler, parce que je me demande vraiment comment son cerveau interprète les quatre images qui lui parviennent, parce que normalement le cerveau est pas du tout fait pour ça. Est-ce qu'elle arrive à voir à 360 degrés, enfin tu vois. C'est vraiment mystérieux, et puis est-ce qu'elle peut parler avec deux bouches? Oui, voilà, par exemple, dire deux trucs en même temps, par exemple, tu vois, des trucs absolument dingues. Un autre truc absolument dingue, mais là c'est plus la personne, quoique, en même temps, ce qui lui arrive est assez étonnant. Un Serbe, donc ça se passe en Serbie, qui a décidé de porter plus ou moins plainte contre les extraterrestres parce qu'il serait victime de harcèlement de la part de ceux-ci. Donc voilà, il est allé voir la police leur demandant est-ce que les extraterrestres arrêtent de l'importuner pendant la nuit. Alors c'est vrai que ce qui lui arrive est assez étonnant. En fait, ça a commencé il y a quelques mois de cela. Un météorite s'est écrasé sur son toit. Et depuis, très régulièrement, à chaque fois qu'il pleut, il reçoit des salves de météorites. Donc c'est le cinquième météorite qu'il reçoit. Alors c'est vrai que statistiquement, c'est très surprenant. Déjà, être victime d'un impact de météorite, c'est relativement rare. Et là, cinq fois de suite, au même endroit, sur sa maison. Et donc pour lui, évidemment, la seule explication, c'est qu'il a dû offenser effectivement un peuple extraterrestre X, Y ou Z, et que ceux-ci ont décidé de se venger en le canardant de météorites. Donc il espère que la police va pouvoir résoudre l'affaire, mais je pense que c'est pas gagné. Ah, c'est vrai que 5 météorites d'affilée, ça ressemble à une mauvaise blague. C'est clair. Venue des Martiens, on comprend ça. Alors évidemment, les météorites ont été authentifiées par des experts astronomes, et il s'agit bien de vraies météorites. Les infos insolites, vous aimez ça, vous en voulez encore? Eh bien, vous allez en ravoir juste après l'ultime pause musicale de cette émission. Restez sur Rage. Relationship. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Suite et fin d'Exocet, à l'instant, c'était Why, et on continue avec les infos insolites. Une info qui n'est pas sans rappeler un certain film, on en parlera juste à la fin de l'info en question. Ça s'est passé à Crystal Lake, aux États-Unis. Un homme de 55 ans qui a été trouvé enchaîné par le cou dans une cave d'une maison en train de brûler. Alors, quand l'homme a été secouru par la police, il a expliqué qu'il n'était absolument pas victime d'un crime, qu'il avait été attaché enchaîné dans la cave de son plein gré. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la police a été contactée pour un incendie. Les premières unités sont arrivées et ont rencontré trois personnes à l'extérieur de la maison qui brûlait, qui ont expliqué aux autorités qu'il y avait quelqu'un encore présent à la cave, quelqu'un d'enchaîné. Donc les pompiers sont rentrés dans la maison, sont allés secourir cet homme qui était enchaîné avec son truc autour du cou qui était relié lui-même à un cadenas, etc., etc. Donc il a été libéré, emmené à l'hôpital, il a été traité parce qu'il avait quand même inhalé pas mal de fumée et qu'il allait pas super bien. Mais à part ça, il n'y avait aucune trace d'activité criminelle dans cette maison. Et on ne sait pas, à l'heure actuelle, quelles sont exactement les relations, les liens entre la personne enchaînée et les trois personnes qui ont accueilli la police à leur arrivée. Donc voilà, c'est le chef de la police, Denis Harris, qui a dit, bon voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé là. Donc il n'y a eu aucune condamnation, personne n'a été retenu, ni en gardé, ni quoi que ce soit. Il ne se plaignait pas d'être enchaîné. Non, ça allait très bien, il disait que c'était de son plein gré. Donc, moi, ça me rappelle quelque chose, très clairement. Ça me rappelle la crampe dans Pulp Fiction. Manifestement, ouais. C'est réel, quoi. Il y a des gens qui se font enchaîner comme ça dans des caves, ça les fait triper. Bon, voilà, dans cette émission, on n'en est pas au premier barge, hein, vous le savez. Rappelez-vous, la semaine dernière, notre ami qui se tapait sa table de pique-nique. Donc, voilà, c'est un autre style, sauf que là, bon, il a failli quand même y laisser sa peau. Oui, mais puisque tu parles de barge au Canada aussi, ils en ont des gratinés. Et notamment un jeune de 28 ans qui vient d'être condamné à 60 jours de prison pour avoir demandé tout simplement à des passantes dans la rue de le frapper dans les parties intimes. Donc c'était son grand jeu. Donc sur une période étalée de 2 mois, il harcelait toutes les jeunes filles qui passaient devant lui, et apparemment de façon assez menaçante, puisque une des victimes de cet agresseur, et c'est un peu pour ça qu'il a été condamné, a témoigné en rapportant ses propos: « Je me suis senti dans l'obligation d'accepter, de peur que cet homme s'en prenne à moi. Je l'ai donc frappé à plusieurs reprises dans les parties génitales. » Donc il devait être assez menaçant, genre « Frappe-moi dans les parties génitales, tu vois ». Et donc, en plus, il a dû le dire comme ça, je suis sûr. Oui, ça devait être comme ça. Et donc voilà, lui c'était son kiff, mais les femmes ont trouvé ça un petit peu harcelant sur une période de 2 mois dans la rue. En plus, il faisait ça dans des parcs avec des enfants. Bref, un personnage assez dérangé. Là, on est tranquille pendant 60 jours. C'est clair, il me reste à peu près une minute pour vous raconter la dernière insolite. Des pompiers roumains qui ont été choqués quand ils ont découvert qu'un fermier utilisait en guise d'enclume un missile. un missile donc, qui était encore actif. Les spécialistes des explosifs ont dit que le missile mettait en danger non seulement la famille du fermier, mais également tout le voisinage. Donc un porte-parole des pompiers a expliqué qu'ils avaient déjà eu beaucoup de problèmes avec ces bombes qui n'étaient pas encore désamorcées et qui avaient atterri sur le sol pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils avaient encore jamais vu un mec qui se servait d'une de ces bombes comme d'une enclume. Hein, donc il frappait dessus avec un marteau, ça aurait pu péter n'importe quand. Donc le missile a été détruit dans une explosion contrôlée par l'armée. Enfin voilà, c'est absolument hallucinant, comme la grand-mère qui s'était ramenée avec des grenades quasiment dégoupillées dans un commissariat. Ça se passait d'ailleurs, je crois, aussi dans un pays de l'Est. Voilà. C'était Exocet. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser sur le forum de rage.fr et rage.fr, ou sur le blog de l'émission exocet-rage.net. Juste après, c'est la récréation, puis Rage part en live. Cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Passez une bonne soirée sur Rage. Bisous, bye bye. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.